Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este último programa de Música Bada en Onda Campus. Ya hemos recorrido juntos los 40 últimos años de música en Francia y hoy el tema será un poco distinto. Vamos a escuchar o reescuchar las bandas sonoras de películas típicamente francesas y enseguida empezamos con la peli más culta y más francesa. La comedia Les Bronzés font du ski sale en 1979 y relata las aventuras que vive un grupo de amigos de vacaciones en las montañas. Es realizada por Patrice Leconte y cuenta con los actores franceses más famosos en el extranjero, como Christian Clavier, Gérard Jugnot, Josiane Balasco, etc. La canción es de Pierre Bachelet. En 1993 sale la película Les Visiteurs, de Jean-Marie Poiret, que pone en escena la llegada a nuestros tiempos de visitantes que vienen directamente de la Edad Media. El casting cuenta con estrellas como Jean Reno, Christian Clavier y Valérie Lemercier, y la banda sonora es del grupo ERA. Amen.

Et quand tu danses, chaque petit pas te met en joie pour la journée. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, fais-les tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Youhoupi, dansons la carioca. C'est bien, fais-les tous comme moi. Oh oui, youpi, dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. Le Péril Jeune es una comedia dramática salida en 1995 de Cédric Clapiche. Pone en escena la juventud en los años 70 a través de un grupo de amigos en el instituto. Se mezclan revueltas estudiantiles, rock and roll, los primeros experimentos de drogas, del amor y de la amistad. Romain Duris, Hélène de Fougerolles y Vincent Elbaz encarnan esos jóvenes rebeldes y la banda sonora cuenta con la canción I'm Going Home de Ten Years After. Go home, my baby. Go home, my baby. Rock on. My baby, she my baby rides. My baby, she my baby rides. Baby, I feel so good tonight. Go home, she's my baby. I go home, darling, she's my baby. Oh, baby, hunt you, she's my wife. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Baby, you don't go. Man, you hate me so. I love my baby. With red dress on, I love my baby. With red dress on, I'm gonna stick it all out, darling. I'm gonna have fun, fun. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more money, too far to show. Need to get rid of that go, cat, go, don't. Step on my blue suede shoes. Make it to the family of my blue suede shoes. Back it up, got it fried. When she fried my bed that night, I got a room and mean as she can be. Top down my fancy, don't more mean to me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shaking going on. Coming on a baby, whole lot of shaking going on. We're thinking, whole lot of shaking going on. También en 1995, la comedia Les Trois Frères, escrita por los tres humoristas Les Inconnus, sale en las salas oscuras. Cuenta la historia de tres hombres que, al fallecer su madre, se dan cuenta de que son hermanos. El problema es que llevan vidas muy diferentes y tendrán que afrontar dificultades juntos. La canción principal de la banda sonora, M'abandonne pas, es del grupo Rita Mitsuko. Le seul amour qui mon cœur bat, c'est toi, papa. Reprends-moi dans tes bras velus, comme la petite fille que je ne suis plus. Reviens sur tes genoux à dada, comme autrefois. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Je ne suis plus personne. gens diront ça, je m'en fous. Tout a dit. D'autres maris, je n'en veux pas que toi, papa. Je veux pas grandir, je veux rester avec mon landau, mes poupées. Tout a dit. De faire de gros poutou, poutou, mon daddy tout. Oh, viens me border dans mon lit. Me faire plein de guili guili. Et puis sur tes genoux, à dada, comme autrefois. Conocemos la famosísima película Titanic, realizada por James Cameron y salida en 1997. No es francesa, pero la canción que simboliza mejor esta película es My Heart Will Go On y la canta la cantante francófona Céline Dion. I see you, I feel you, that is how I know you go on. Across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever. One true time, I hope.

méditer l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Gaggio di Lo es una comedia dramática de Tony Gatliffe, salida en 1998. Nos hace descubrir Rumanía a través de los ojos de un joven francés que busca a una cantante que su padre escuchaba antes de morirse. El joven aprenderá a vivir con las costumbres de un pueblo cíngaro. La banda sonora está compuesta con músicas tradicionales y canciones escritas para la película, como Disparaîtra. Alors, l'enfant, copilule, the child, the kind, nomade, nomade, nomade, nomade, renaîtra, revine, come back, comme tu ruc, du désert, in desert, in desert, in vuste. Rendie, reborn, geboren, du souffle, souffle, breath, der Luft, de la mer, Mari, of the sea, des mers et de la terre, Schipamundului, and earth, des wounds. Selvatic and wild und wild. Il, elle, he, er sauvera. Salvesa, saved und hilft le monde. Pomundul, the world, the earth. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ou Amélie, est une comédie romantique de Jean-Pierre Jeunet, salida en 2001. Audrey Tautou et Mathieu Kassovitch nous proporcionnent une représentation idéalisée de la vie contemporaine en el barrio Montmartre, en Paris. La banda sonora est exclusivement du compositeur et pianiste Jan Tiersen. En 2001, sale la comedia de acción de Ariel Zetoun, Yamakasi. Los siete actores son los cofundadores de artes de desplazamiento llamado Parcours. La banda sonora cuenta con temas de rap escritos por los mejores artistas franceses de la disciplina, como la canción Comme des Fous del grupo B.O.S. De triple zéro, plus rien peut se passer. Le truc qui dit tout, c'est qu'il y a tout qui fait qu'on sature. Tellement de pression que quand je rappe, faut que ça tue. Rien à perdre, chacun veut garder sa thune. Un inédit, j'aille s'effater, faut que ça tourne. C'est fuck celle qui se moque, cocaine. Tellement hâle que pour m'avoir, faut se moque, cocaine. Rien à foutre de tout, je me fous de tout et c'est tout. J'ai l'atmosphère qui t'étouffe, dis-moi qui t'écoute. Violence sans cesse, mon rap sans le sexe. L'école est là pour élever ton mental. Le talus pour enlever ton métal. Partout, les faits divers s'étalent. Partout, ça parle de flingue de métal. Nouveau millénaire, mec, faut bien qu'on se taille. Mais tout part vite en couille comme faire grand freestyle. Même ghetto, même but, même bédo, même but. L'argent n'a pas d'odeur, parle plus d'authenticité. Demande aux psys, aux grandes ta cité, ce qu'ils pensent de leur avenir. Un 999 apocalypse, à leur avenir dur d'effacer. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis juste un sale gosse de 20 piges qui bosse pour scandale et qui agit avec stratégie. Faut que t'imagines la scène comme au ciné. Un film signé Fatcap et Jai, c'est pour tout calciner. Enfer sur terre, t'as vu? Et ça, c'est sans commentaire. Juste un homme. Le placard, o en España, Salir del armario, es una comedia de Francis Weber, salida en el 2001, que trata con humor de la homosexualidad y de las reacciones que todavía se pueden suscitar hoy en día. La banda sonora es de Vladimir Kosma. L'Auberge Espagnole o Una Casa de Locos en España es una película franco-española realizada por Cédric Clapiche y salida en 2002. Pone en escena lo que yo vivo aquí en Badajoz, o sea, la vida de Erasmus y la convivencia en un piso compartido con gente de todas nacionalidades. Romain Duris, Audrey Tautou y Cécile de France componen el casting y la canción Aerodynamic del grupo francés Daft Punk es la banda sonora. Thank you. En 2002 sale la delirante película Astérix Misión Cleopatra de Alain Chabat, adaptación del famoso TVO francés. Y el humorista y actor Jamel Debbouze colabora con el rapero norteamericano Snoop Dogg para la banda sonora en la canción Misión Cleopatra. Good time while I'm in y'all town. Franchising with french fries with french thighs. Legal double G and I'ma do it to you 10 times. Fliz I, is I, whiz I, Operation Cleopatra. Coming right at you. J-A-M-E-L. I'm trying to holler at you, homie, pick up your seal. D-P-G, hell yeah, I got some suckers on my tail. Could you make a bell? We gonna party. We're gonna shake it up. It's nothing but a party, baby. We're gonna set the party on that low. She wanna party with us? Well, come on, baby, let me see you get up and. And what's my motherfucking name? Jamel, Snoop Dogg for my man. Donc Jamel, c'est mon nouveau prénom. C'est comme ça que Snoop Dogg, je m'appelle. Hey, il a raison. Hey, les gars, moi c'est Donc Jamel. Ok, we all the same, ça veut dire on est les mères. Pourquoi pas là-bas qui fume de la weed? وحق الله العظيم ادير مو كوبا حميد حميد لاويت تي سويت تي سويت لاويت جي اي ام اي ال تي سويت تو لي جور يا لي جون كي مينيا سنوبي مو نمري بيان لي بور افريك مينيا مي با لا بيت تي فينير سو سو ما ستا فير وي باري باري باري باري باري باري باري les mêmes remises de peine. Hey. You know what I'm saying? Don't demand. Mais je suis venu. Yeah, man. Say it, man. Church. Church. Come on, say it. Church. Sing it with me. Come on. Church. Everybody, come on. Church. Sing it. Church. With my nephew Jamezzle, for Shizzle Dizzle, it's off the hizzle, for Rizzle. En 2003, la película Jeux d'enfants de Yann Samuel sale en Francia. Marion Cotillard y Guillaume Canet interpretan los personajes de Julien y Sophie, dos niños que empiezan el juego de desafíos, capaz o no capaz, que les seguirá hasta el final y tendrá muchas consecuencias. La banda sonora cuenta con la canción de amor de Edith Piaf, La vie en rose. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. de tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Conocida como Los Niños del Coro en España, la película Les Choristes de Christophe Baratier sale en 2004. Cuenta la historia de un profesor de música que va a enseñar en un correccional. Aparecen actores como Gérard Jugnot, François Berléand, Cad y el joven Jean-Baptiste Monnier. El coro interpreta la canción Voix sur ton chemin. En 2005 sale la película documental La Marche de l'Empereur, de Luc Jacquet. Pone en escena la vida de los pájaros bobo llamado emperadores en el Antártico. La principal canción de la banda sonora es de la joven Emily Simon, All is White. I know it's loud in the La saga de humor, acción y espionaje OSS-117 empieza en el 2006 con la primera fase, Le Caire ni d'espion. La banda sonora cuenta con la canción Bambino, versión Rai de la canción de Dalida, que canta el mismo actor, Jean Dujardin. Así se acaba el último programa de Música Bada. Espero que hayáis disfrutado esos semanales viajes musicales a Francia conmigo. Me toca despedirme. Le agradezco el darme la oportunidad de locutar en Onda Campus a Dani y gracias también a Macarena por su ayuda. Esta experiencia en Onda Campus ha sido muy enriquecedora. He aprendido muchísimas cosas y además de pasármelo muy bien. Que tengáis todos un buen fin de semana. Adiós, chao, bye, bonne route.